Tu brilles par ton absence, les soirs de dépression. La vie n'a plus de sens sans ta voix, sans ton nom. Je me laisse porter par la route si pesante, à jamais résigné d'une joie inexistante. Voilà comment tu m'as laissé. Voilà comment tu m'as laissé. Je pense toujours à toi. À chaque foutue seconde, le manque ne passe pas. Je veux quitter ce monde. Est-ce que tu pleureras, même juste par nostalgie, lorsque tu apprendras enfin je suis parti? Voilà comment tu m'as laissé. Voilà comment tu m'as laissé. Une larme coulera-t-elle de ta joue en mon nom? Est-ce que tu seras celle qui mettra mes chansons? Cette idée, l'ultime chose qui me fait vibrer. Partir dans les abîmes pour enfin te manquer. Voilà comment tu m'as laissé. Voilà comment tu m'as laissé. Tu brilles par ton absence, les soirs de dépression. La vie n'a plus de sens sans ton amour, Marion. Voilà comment tu m'as laissé. Voilà comment tu m'as laissé.